Kaka, kamoli langa gitaro yoko, zongi sanga isiko yo, ba wanga na kabiso na mokili. Si je savais ça. Moye bima kase po ya moto nyoso basa. Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Kasseur Obura, Kounoutou Yabaleki.